50 languages. 90. 90. 90. صيغة الأمر رقم 2. Impératif 2. Impératif 2. أحلق ذقنك. Rase-toi. Rase-toi. اغتسل. Lave-toi. Lave-toi. مشط شعرك. Coiffe-toi. Coiffe-toi. اتصل هاتفيا. اتصل هاتفيا. Appelle, appelez. Appelle, appelez. ابدأ. ابدأ. Commence. Commencez. Commence, commencez. توقف, توقفوا. Arrête, arrêtez. Arrête, arrêtez. دع ذلك, دع ذلك. Laisse ça. Laissez ça. Laisse ça, laissez ça. قل ذلك, قولوا ذلك. Dis ça. Dites ça. Dis ça, dites ça. اشتري ذلك. اشتروا ذلك. Achète ça. Achetez ça. Achète ça, achetez ça. لا تكن منافقا. Ne sois jamais malhonnête. Ne sois jamais malhonnête. لا تكن وقحا. Ne sois jamais insolent. Ne sois jamais insolent. لا تكن فظا. Ne sois jamais impoli. Ne sois jamais impoli. كن دائما صادقا. Sois toujours honnête. Sois toujours honnête. كن دائما لطيفا. Sois toujours gentil. Sois toujours gentil. كن دائما مؤدبا. Sois toujours poli. Sois toujours poli. لتصل بسلامة. Rentrez bien chez vous. Rentrez bien chez vous. حافظ على صحتك. اعتني بنفسك. Faites bien attention à vous. Faites bien attention à vous. كرر زيارتك قريبا. Revenez vite nous voir. Revenez vite nous voir.